Aujourd'hui, Roland de Lassus et les poètes de la Pléiade. La nuit froide et sombre, couvrant d'obscures ombres la terre et les cieux, aussi doux que miel fait couler du ciel le sommeil aux yeux. Puis le jour luisant, au labeur duisant, sa lueur expose, et d'un teint d'hiver, ce grand univers tapisse et compose. Joachim du Bellay. C'est ce même poème de Du Bellay que Roland de Lassus choisira de confier à la magie de son art musical pour en faire, en 1576, une chanson à quatre voix. Véritable orfèvrerie polyphonique à la louange de la nature, de la terre et des cieux qui s'éveillent à l'approche de l'aube. Cette partition de Roland de Lassus est faite toute de délicatesse et de gravité, mêlée d'une exquise douceur. Elle semble à la fois libérer la musique naturelle de la poésie de Du Bellay et en révéler le sens profond. En cela, le musicien franco-flamand s'inscrit complètement dans la mouvance des idées que défendait Ronsard vers 1550, et non seulement Ronsard, mais également tous les poètes de la Pléiade. Du Bellay, bien sûr, Jodel, Antoine de Baïf et Pontus de Thiard. Alors, comment définir cette mouvance esthétique? Eh bien, essentiellement, je crois, par cette volonté extraordinairement forte de chercher à unir la musique et la poésie pour atteindre à l'expression d'une plénitude quasi cosmique, pour atteindre à une sorte d'harmonie céleste. Un projet qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la pensée platonicienne de l'antique Grèce. Thank you. Pour le poète humaniste qu'était Ronsard, la musique est source de bienfaits. Elle apaise, elle adoucit les maux de l'homme. Celui qui lui porte honneur et révérence, dit-il, est ordinairement homme de bien. Il a l'âme saine et gaillarde, et de son naturel, aime les choses hautes et vertueuses. La musique, comme source de bienfaits, comme source de paix et de vertu, mais aussi la musique comme source d'une mystique de l'harmonie, cette harmonie des sons qui reflèterait l'harmonie céleste qui nous habite et qui nous dépasse, cette harmonie même que chante Ronsard en invoquant ainsi le ciel. Tu fais une si douce et plaisante harmonie que nos luttes ne sont rien au prix des moindres sons qui résonnent là-haut de diverses façons. Si Ronsard fait ainsi l'éloge de la musique et la considère comme la sœur de la poésie, il fait également l'éloge des musiciens de son temps. Et c'est dans la préface qu'il dédie à Charles IX, préface du Livre des Mélanges, qu'il vante les mérites de Jacques Arcadelt, de Jean Mouton, celui qui fut le brillant disciple de Josquin des Prés. Mais Ronsard va encore plus loin. Au moment de publier le premier livre « Des amours », le poète va solliciter la collaboration de 4 musiciens dans le but de proposer aux lecteurs non seulement les sonnets, mais aussi leur accompagnement musical. Et dans l'édition des sonnets à Cassandre de 1552, il n'est donc pas étonnant de voir aux côtés des textes poétiques des partitions. Des partitions de Goudimel, de Clément Jeannequin, des partitions de Pierre Serton et de Marc-Antoine Muret. Une expérience unique en son genre qu'aucun autre poète ne renouvellera par la suite. Une expérience puissamment originale qui montre combien Ronsard ressentait la nécessité de parachever son œuvre par la musique. Parmi tous les musiciens de son temps, il en est un que Ronsard admire par-dessus tout, celui qui reste à ses yeux le seul à pouvoir vraiment l'enchanter et le ravir. Ce musicien, c'est Roland de Lassus, le plus que divin Orlande, comme le prénomme Ronsard. Celui, dit le poète, qui, comme une mouche à miel, accueillit toutes les plus belles fleurs des anciens et autres, semble avoir seul dérobé l'harmonie des cieux pour nous en réjouir en la terre, surpassant les anciens et se faisant la seule merveille de notre temps. Bonjour, toute belle, ma mignardise, bonjour, mes délices, mon amour. Mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle. Mon Bonjour mon cœur, poème de Pierre de Ronsard, mis en musique en 1564 par Roland de Lassus. Roland de Lassus qui, au gré de ses multiples voyages en Europe, à l'occasion de séjourner à Paris plusieurs fois, entre 1571 et 1575, comme musicien invité à la cour du roi Charles IX. Alors a-t-il la possibilité de rencontrer Ronsard et les poètes de la Pléiade? Eh bien ça, nous l'ignorons. Toujours est-il qu'il connaissait parfaitement leurs œuvres et qu'il les appréciait. Dans l'ensemble de sa production de chansons françaises, qui compte quelques 146 pièces, de 3 à 8 voix, on retrouve le nom de ces poètes illustres. Ronsard, bien sûr, Du Bellay, Antoine de Baïf, et puis des poètes plus anciens, Clément Marot et François Villon. Puisque j'évoquais à l'instant la personnalité d'Antoine de Baïf, quelques mots peut-être sur l'Académie de poésie et de musique qu'il dirige et que Roland de Lassus devait connaître. 1567, Antoine de Baïf et son ami, le musicien Thibaut de Courville, décident de fonder, avec le soutien du roi bien sûr, une académie. Une académie dont la raison d'être serait d'instituer un système qui favoriserait l'union intime de la musique et de la poésie. Quel est le principe de ce système? Eh bien, tout simplement, le modèle de la musique à l'antique. Et comment se référer à ce modèle? Eh bien, d'une part, en utilisant certains modes propres à susciter chez l'auditeur tel ou tel affect en relation avec le sujet du poème, et d'autre part, en utilisant certains rythmes en accord avec la métrique naturelle des vers. Pour mieux comprendre cette notion d'affect liée à la sensibilité humaniste de la Renaissance en France, je voudrais citer Du Bellay qui nous éclaire sur ce sujet. « Celui, dit-il, sera vraiment le poète que je cherche en notre langue, qui me fera indigner, apaiser, réjouir, souffrir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref, qui tiendra la bride de mes affections, me tourmentera çà et là à son plaisir. » Pour traduire tous ces effets par la musique, ce seront tantôt les harmonies plaintives du mode lydien qui incite à la tristesse, à la lamentation, tantôt le mode ionien qui incite à l'indolence et à l'ivresse. Quant à la notion de musique mesurée à l'antique, eh bien je vous propose d'écouter tout simplement un exemple avec ce jeu d'accent et d'alternance de longue et de brève. Il s'agit d'un poème en vers d'Antoine de Baïf, mis en musique par Roland de Lassus. Une puce que j'ai dans l'oreille, chanson à 5 voix. J'aime dans l'oreille et passe, qui de nuit et de jour me fait crier et m'apporte et me fait revenir. Il me mène du puits donné, je cours de ça, je cours de là, au de la bouée, venir à la bouée, je t'en prie. Oh, toute belle ce cours, oui, oh, toute belle ce cours, oui. Dans mes yeux, je pense libre et au sommeil, elle devient ma. me piquer, me fait manger, me coin et me garde de dormir. L'une mère n'est plus donnée, je cours de ça, je cours de là, oh, de la bouée, de dire la bouée, je t'en prie, oh, toute belle secours, oui, oh, toute belle secours. Je cours de là, pour de la bruit, me dire la bruit, je t'en prie. Oh, toute belle secours, oui, oh, toute belle secours, oui. Bien, je sais que seul ne peut guérir ce mal, je te prie de me bruit, de mon âme, j'ai voulu abolir à crévoler. Nulle mère n'est plus donnée, je cours de ça, je cours de là. Oh, la bruit, me dire la bruit, je t'en prie. Oh, toute belle secours, oui. Oh, toute belle secours, oui. Cette musique mesurée à l'antique et qui était préconisée par l'Académie de musique et de poésie, eh bien, un musicien originaire de Valenciennes, qui allait devenir maître de musique du duc d'Anjou, Claude le Jeune, allait s'en servir et développer cette technique de manière magistrale. On écoute une chanson tirée du recueil Le Printemps de Claude le Jeune. Voici le verre et beau, brillant à tout cela. Tout est brillant, tout est gai, roses et lys vont fleurir. Rayons jaunes et sautons, et battons-nous tous à l'envie de la saison. Rayons jaunes et sautons, et battons-nous tous à l'envie de la saison. Les régions du Nord et les pays franco-flamands ne furent pas touchés par l'esthétique néo-antique de l'Académie d'Antoine de Baïf. D'ailleurs, cette académie allait peu à peu perdre de son importance à la suite de la mort de Charles IX. Et battons-nous tous à l'envie de la saison.